ce mercredi à Assemblage Requis. Sébastien Dulude vient nous parler de sorties culturelles alternatives dans sa chronique « Va voir ailleurs si j'y suis ». Tout ça et bien plus à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, mercredi 15h.